Nous adorons tous le bleu. Pour des vêtements par exemple, c'est la seule couleur véritablement passe-partout, sans doute plus encore que le blanc et le noir. Mais loin d'être ennuyeuse, elle a aussi une dimension mystique car elle est associée aux cieux, à la noblesse et à la Vierge. Et puis autour de nous, elle est partout. Dans le ciel, dans l'eau, dans la nature, et même partout dans notre langage. Alors, il nous a paru tout à fait naturel d'inaugurer notre grande série sur les couleurs, par le bleu, cette reine des couleurs. De quelle couleur est le ciel sur Mars? Comment se fait-il que certains animaux voient le bleu et pas d'autres? Pourquoi n'a-t-on pas la peau de couleur schtroumpf? Le bleu nous appelle-t-il vraiment? Le bleu est-il fréquent chez les plantes? Ce soir, notre équipe de choc est réunie quasiment au complet pour vous faire voir la vie en bleu. Alors détendez-vous, allongez-vous dans l'herbe, regardez le ciel. Nous sommes le 24 mars 2021, vous écoutez l'épisode 443, bienvenue sur Podcast Science. Et donc ce soir, une très grande table virtuelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde! Nous avons Topo depuis Paris. Bonsoir tout le monde! Nous avons Johan depuis Paris aussi, Cléora depuis Perduville. Hello à tous! Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde! Et puis Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde! Et donc, on a plein de chroniques. Et donc, nous allons commencer par Alexa, parce qu'elle se doit aller partir pour avoir sa seconde dose de vaccin, parce qu'elle a racketté une petite vieille diabétique pour l'avoir, et qu'elle habite aux États-Unis. Oh, et que je suis personnel éducatif. Et qui va nous parler de comment a-t-on les yeux bleus. Ensuite, ça sera ma chronique. On va parler du bleu du ciel et pourquoi et si c'est si évident. On va parler ensuite de Topo, le bleu chez les animaux, et suivi d'Eléa, le bleu chez les plantes. Et enfin, Cléora nous parlera du bleu en psychologie. Et du coup, Alexa, je te laisse commencer pour que tu puisses t'enfuir après avec ton vaccin. Merci, Johan. Alors... Dans ma chronique, on va parler d'un des caractères qu'on retrouve chez l'homme, qui est les yeux bleus. C'est aussi l'un des organes qui suscite le plus de commentaires sur sa couleur, et en particulier sur les variations de sa couleur, parce qu'on parle de yeux azur, de turquoise, de différentes variations de bleu. Et donc, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on a l'œil bleu, et comment c'est possible d'avoir des yeux bleus, et aussi toutes ces nuances de bleu, et on va voir qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez sans doute appris à l'école, ce qui se faisait avant, en fait, qui était le déterminisme mendélien hyper simple des yeux bleus, avec les yeux marrons dominent les yeux bleus. On va voir que c'est pas du tout le cas. Alors, quand on regarde un œil, on se rend compte que l'œil en entier, il n'est pas bleu, enfin, à moins que vous ayez pris le coin d'une porte dans la figure, on a seulement une partie de l'œil qui est bleue. Chez les gens qui ont les yeux bleus, c'est l'iris, qui est cette partie de l'œil qui est colorée et qui entoure la pupille, qui est le trou qui laisse rentrer la lumière dans l'œil. Pourquoi c'est important de laisser rentrer la lumière dans l'œil? Puisque c'est important car les cellules réceptrices qui sont situées sur la rétine, donc dans le fond de l'œil, qui sont les cônes et les bâtonnets, qui sont sensibles aux différentes longueurs d'onde, sont, comme je viens de le dire, situées sur le fond de l'œil. Donc il faut... pour qu'elle puisse être atteinte, pour qu'elle puisse reconnaître la lumière et ses longueurs d'onde, il faut que la lumière puisse passer. Et la lumière passe par ce trou, la pupille, qui est au milieu de l'œil. Autour de ce trou, on a donc l'iris, qui est cette partie colorée, et qui sert justement à moduler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Comment? Parce que l'iris va être capable de se contracter et de se relâcher afin de faire augmenter ou diminuer le diamètre de la pupille, qui est donc ce trou qui est en plein milieu. Et si vous avez écouté ce que je viens de dire, vous vous rendrez compte que j'ai utilisé les mots contraction et relâchement, qui sont en général liés aux cellules musculaires. Et j'ai utilisé ces mots à juste titre, car on peut considérer que l'iris est un muscle. C'est un muscle complexe, en fait, qui est formé de 5 couches majeures, y compris des cellules musculaires, qui permettent justement cette contraction et relâchement, qui permet de faire varier le diamètre du trou en son centre. Et en fait, on va voir que non seulement cette idée d'avoir un muscle est importante pour faire rentrer la lumière, mais aussi que une partie de la clé de la couleur des yeux réside dans le fait qu'on ait 5 couches dans l'iris et que ces couches soient de composition différente. Alors, pour comprendre ce qui fait la couleur des yeux, regardons ces couches. Quelles sont-elles? On a d'abord une face antérieure, donc si on part depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'œil, donc de l'iris, on a la face antérieure qui est une première couche qui contient des pigments, et notamment de la mélanine, dans des cellules qui sont appelées mélanocytes. Tous les yeux de différentes couleurs ont le même nombre de mélanocytes, mais c'est la quantité de pigments dans ces cellules qui va varier et faire les différentes couleurs. Et comme on va voir ce qui se passe ensuite pour les yeux bleus. En dessous de cette couche de cette première couche où on a des mélanocytes, on a une couche de collagène et de cellules qui est appelée stroma et qui, on va le voir, est très importante pour la couleur de l'œil. En dessous, on a 2 couches de muscles qui sont justement les muscles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et ensuite, une couche de cellules qui est formée de 2 sous-couches en fait de cellules de mélanocytes encore qui apparaît complètement noir parce qu'on a énormément de mélanocytes dans cette couche. Alors là, vous avez sans doute remarqué que j'ai parlé de mélanine, de mélanocytes, de mélanine, etc. Et j'imagine que quand on parle de mélanine, vous pensez tous aux pigments qui colorent la peau et qui donnent des tons allant de rose à brun rosé, à brun foncé, et qui donc permet de contrôler la couleur de la peau. Alors, si on a de la mélanine dans les yeux, comment est-ce qu'on peut avoir des yeux bleus? Est-ce qu'on a de la mélanine bleue? Alors, pas du tout. La mélanine, ça donne toujours cette variation de couleur allant étant plus ou moins brun. Mais par contre, la réponse à cette question, comment la mélanine peut donner de la couleur bleue, va résider dans la physique des 5 couches dont j'ai parlé un peu plus haut. Que se passe-t-il lorsque la lumière arrive sur ces couches? Lorsque la lumière arrive, elle va traverser d'abord la première couche. Vous vous souvenez qu'il y a un petit peu de mélanine. Et en fait, en fonction de la quantité de mélanine qu'on aura dans cette couche, on aura plus ou moins de lumière qui va continuer dans les couches les plus profondes de l'iris. Et en fait, dans le cas des yeux bleus, on considère qu'on a assez peu de mélanine dans cette première couche, alors que les yeux d'autres couleurs auront plus de mélanine. Dans le cas des yeux bleus, on a donc assez peu de mélanine produite par les mélanocytes et la lumière va pénétrer dans les couches suivantes de manière plus importante. Et notamment, elle va pénétrer jusqu'à la couche postérieure qui est noire, où elle va être absorbée en grande partie, mais aussi, dans le cas des yeux bleus, où on a beaucoup de lumière qui rentre, une partie va être réfléchie vers l'extérieur, où elle va retraverser les autres couches, la couche musculaire et le stroma. Vous savez, cette couche dont j'ai parlé, qui a des fibres de collagène. Et en fait, l'agencement de ces fibres de collagène et de cellules va créer une dispersion de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va être déviée par toutes ces fibres de collagène et tout ce qu'on trouve dans le stroma, les cellules aussi. Et elle va être déviée selon un phénomène qui a été décrit par Rayleigh, qui s'appelle très justement la dispersion de Rayleigh. Et selon ce phénomène, en fait, les radiations lumineuses bleues seront plus largement diffusées que les autres. Et ça, c'est vraiment lié à l'agencement des fibres de collagène qu'on a dans le stroma. Du coup, pour d'autres couleurs d'yeux, mais je ne vais pas en parler ici dans le détail, on pense que d'autres phénomènes de diffusion, peuvent jouer. Mais dans le cas des yeux bleus, on a un renvoi de cette lumière très largement dans les longueurs d'onde lumineuses bleues, dans les radiations bleues, et c'est pour ça que l'iris va apparaître bleu. Alors ici, j'ai parlé de 2 choses, si on se résume. D'abord, d'un déterminisme génétique qui est lié à la quantité de mélanine qu'on a dans la première couche, qui va influencer les longueurs d'onde qui passent et qui reviennent, et du stroma, des fibres de collagène qui vont laisser passer certaines longueurs d'onde. Et c'est ça qui va déterminer majoritairement la couleur bleue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, okay. Moi j'ai suivi, c'est bien. Je continue donc. J'ai parlé de mélanine et j'ai parlé de déterminisme génétique de la quantité de la mélanine qu'on a dans les yeux. Qu'est-ce qui détermine justement génétiquement le fait qu'on aura plus ou moins de mélanine dans cette première couche? Eh bien, en fait, pour ça, on a quand même pas mal d'informations là-dessus. Même si c'est pas aussi simple que gène marron et gène bleu comme on le pensait initialement, on a quand même 75% de la couleur des yeux qui semble déterminé par un gène, par un locus bien connu, qui s'appelle le gène OCA2, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions, qui est situé sur le chromosome 15 et qui est muté dans l'albinisme qu'on retrouve chez les poissons cavernicoles ou aussi chez certaines formes d'albinisme chez l'homme, et qui est indispensable à la production de mélanine. Donc la production de mélanine, c'est toute une chaîne de production complexe avec plusieurs gènes, et OCA2 et les gènes qui le contrôlent, eh ben, on pense que tout ça, c'est lié à 75% de la variation de la couleur des yeux, parce que ça explique 75% de la variation de la mélanine qu'on voit dans ce cas-là. En fait, pour les yeux bleus, on peut même être plus précis que ça, on sait que l'un des gènes qui contrôle OCA2, et qui est donc évidemment lui-même lié à la production de mélanine, le gène HERC2, possède une mutation qui proporte une très forte association à la couleur bleue. Ça veut dire que les gens qui ont les yeux bleus, ils ont une très forte chance d'avoir une mutation dans ce gène HERC2 qui va donc moduler le gène OCA2 et donc la production de mélanine derrière. Néanmoins, on a des études récentes qui sont des études d'association, ce qui fait qu'on a séquencé les génomes de plein de gens qui avaient les yeux bleus ou qui avaient une variation de la couleur des yeux en général, et on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas un seul gène, mais on en a énormément qui sont impliqués dans la variation de couleur des yeux. On en a trouvé une soixantaine à ce jour, et en fait, 42 de ces 60 gènes ne sont pas liés à la synthèse de mélanine. Alors, ça a l'air de compliquer encore plus le problème, et c'est vrai que c'est le cas. Ce qu'on peut dire pour l'instant sur le contrôle génétique de la synthèse de mélanine et de la couleur bleue, c'est que 75% de la variation de la couleur des yeux, et donc de la couleur bleue aussi, peut être associée à la synthèse de mélanine via OCA2, HERC2, etc. Mais qu'ensuite, pour le reste, on a sans doute une énorme variation qui est liée à des gènes qui sont pas nécessairement liés à la pigmentation, mais qui sont associés à la couleur bleue chez l'homme en général. Donc le déterminisme génétique de la couleur des yeux et de la couleur bleue en particulier est complexe, même si on est capable de l'expliquer avec de la variation de la mélanine pour une grande partie. Et en fait, ça explique aussi pourquoi on a tant de nuances de bleu, parce que si c'était si simple, si on avait uniquement la mélanine qui entrait en jeu, bon, on pourrait s'imaginer qu'en fait, on aurait bleu, marron, etc., et que ce serait assez simple. Mais en fait, lorsqu'on regarde des yeux, et en particulier des yeux bleus, mais toutes les couleurs en général, on se rend compte qu'on a énormément de nuances, et même des variations, pas seulement des nuances, mais aussi de présence-absence de petits spots ou de choses comme ça. Et ça veut dire qu'on joue sur plusieurs phénomènes. Donc, on joue sur la quantité de mélanine produite par les mélanocytes et par tout ce contrôle génétique qui a l'air hyper complexe avec énormément de gènes en jeu. Mais on joue aussi sur la diffusion. Si vous regardez les yeux de différentes personnes de très près, vous avez même des magnifiques photos prises au microscope que vous pouvez regarder, ou en tout cas à la loupe binoculaire bien grossie, vous vous rendrez compte que l'iris, il est différent chez tout le monde. En fait, l'iris peut même être aussi précis que les empreintes digitales, par exemple, pour déterminer l'identité d'une personne. Et lorsqu'on regarde l'iris, on a des textures différentes, des montagnes, des vallées, etc., etc. Et en fait, on sait que là, on aura sans doute des phénomènes de diffusion différents qui vont être mis en jeu dans les différentes textures d'iris et qui peuvent aussi influencer la couleur des yeux. En plus de la mélanine, on a donc aussi ces variations de texture, de diffusion, de diffraction de la lumière dans l'œil qui jouent et qui vont influencer les nuances des yeux. On sait aussi qu'on a d'autres choses au niveau de la couleur des yeux qui sont déterminées par d'autres phénomènes génétiques aussi. On sait par exemple que les points marrons qu'on peut retrouver dans les yeux bleus sont complètement indépendants de tout ce qui est OCA2 et même d'autres gènes qu'on a trouvés, qui sont sans doute présents sur ces 60 gènes trouvés, mais peut-être ailleurs. On sait que avoir des points ou pas dans les yeux, c'est un déterminisme génétique qu'on comprend pas très bien et qui est encore différent. Du coup, pour expliquer toutes ces nuances d'yeux bleus, en fait, on a non seulement les gènes, on a non seulement la mélanine, on a non seulement la morphologie des iris bleus, mais aussi, sans doute, plein d'autres choses dont on ne comprend pas très bien la détermination génétique et qui impliquent de la physique, de la génétique, etc., etc. Et c'est ce qui rend en fait si difficile la datation de l'apparition des yeux bleus. On pense qu'au départ, tous les êtres humains avaient des yeux marrons. Et on pense que l'analyse génétique de plein de personnes qui ont les yeux bleus ont laissé penser que les yeux bleus sont apparus entre il y a 6000 et 10000 ans suite à la colonisation d'une partie du nord de l'Europe. Mais En fait, c'est très très dur de dire précisément on a eu une seule mutation où les yeux bleus sont apparus à ce moment-là. Vu que la couleur des yeux est quand même liée à la mélanine, on pense, et que on a pu plus ou moins dater l'apparition des yeux bleus entre 6000 et 10000 ans, et lier ça à la colonisation de l'Europe du Nord, où les gens ont en général, en colonisant l'Europe du Nord, aussi eu moins de mélanine d'une manière générale, on pense que tout ça s'est lié, qu'on a eu des yeux bleus qui ont été liés à une peau plus claire et qui ont été liés aussi au fait qu'avoir une peau plus claire et des yeux bleus permettait peut-être de mieux métaboliser la vitamine D, etc., etc. Mais c'est pas du tout sûr, c'est vraiment des associations. Et si on a pu lier une mutation du gène OCA2 à la couleur des yeux, on ne pense pas en fait que ce soit nécessairement une seule mutation qui soit à l'origine, mais on a eu sans doute plusieurs, une origine bien plus complexe avec plusieurs mutations qui ont sans doute été impliquées. Et pour finir, on a aussi séquencé des individus qui vivaient il y a 7000 ans à peu près, notamment un individu qui vivait il y a 7500 ans, qui a été séquencé en Suède, et auquel on a pu associer des marqueurs liés aux yeux bleus. Alors pas forcément au cadeau ou ce genre de choses, mais d'autres marqueurs qui est auto-associé aux yeux bleus et à une peau claire. Donc ce qui semble vraiment vraiment clair, c'est que lorsqu'on a colonisé le nord de l'Europe, on a eu apparition, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, c'est pas encore très très sûr, d'yeux bleus liés sans doute à une mélanine un peu plus faible. Donc les yeux bleus chez l'homme, vous l'aurez compris, c'est un exemple de caractère qui est complexe, qui est sans doute apparu en lien à l'adaptation à un certain climat, mais depuis, avec tous les brassages de population, etc., et toute cette génétique très très très complexe, il est impossible de lier les yeux bleus à un seul gène en particulier, et avoir les yeux bleus, c'est en fait une combinaison de physique, de génétique et de plein d'autres choses qu'on ne comprend pas encore totalement et qu'on comprendra peut-être dans les années à venir. Alors, je vois qu'on a des questions dans la chatroom, ce qui explique les yeux bizarres, genre vert ou gris. Alors, on pense que c'est lié à les yeux verts, par exemple, à un peu plus de mélanine que les yeux bleus, un peu moins que dans les yeux marrons, mais c'est pas uniquement ça qui permet de l'expliquer non plus. Il semble qu'on ait d'autres locus de gènes qui sont impliqués, que les gènes majeurs qu'on pense. Et on pense qu'on a des phénomènes aussi de diffusion qui sont différents du phénomène de Rayleigh, qui sont aussi liés à la quantité de mélanine qu'on a, mais aussi à la structure de l'iris. Et pareil pour les yeux gris. Et ensuite, quand on a du jaune au centre et du bleu autour, par exemple, il a été aussi montré que chez certaines personnes, on a une répartition de la mélanine qui peut être différente suivant là où on se trouve dans l'iris. Et ça, ça peut expliquer aussi que dans différentes parties de l'iris, on voit différentes choses. Et d'ailleurs, c'est possible d'avoir les yeux qui changent au cours de la vie. Quand on a des traumatismes, par exemple, qui affectent l'œil, on peut d'un coup synthétiser plus de mélanine ou moins. Et dans ce cas-là, la couleur des yeux va changer. Donc, c'est évidemment très rare parce que c'est lié à des phénomènes traumatiques, mais ça existe. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la couleur des yeux et certains problèmes de vue ? Alors oui, par exemple chez les albinos, on peut avoir des problèmes de vue qui peuvent être associés à des gros défauts de mélanine. On peut aussi avoir des couleurs d'yeux qui sont, mais c'est pas forcément toujours lié à 100%, mais ça peut l'être, à une moins bonne protection contre la lumière un peu forte qui peut faire des problèmes, par exemple des inflammations de la rétine, et des choses comme ça. Donc ça peut être lié. Alors arrête-moi, mais pour le coup de l'albinisme, le lien en fait, c'est pas une relation de cause à effet entre l'absence de pigmentation dans l'iris et le problème de vue, c'est plutôt peut-être que la rétine pigmentaire est du coup dépigmentée. Alors, en fait, ça dépend de l'albinisme. Tout l'albinisme n'est pas OCA2 ou OCA1. Et en fait, tu as des cas d'albinisme qui ont aussi des problèmes de vue. Il me semble que c'est lié aussi au développement de l'œil, qui parfois, on a des petits défauts justement parce que tu as la couche pigmentaire de la rétine qui se développe pas nécessairement bien et des choses comme ça. Donc, en fait, ça va dépendre de l'albinisme, qui est aussi très complexe, en fait. C'est pas un seul gène qui est mutant. Alors, peut-être juste pour expliquer, est-ce que tu pourrais expliquer justement quel est le rôle de cette fameuse rétine pigmentaire dans l'œil pour que... Oui, bah en fait la rétine bicbancaire, ça fait une couche qui est très très noire sur le fond, et donc on pense que avoir pas mal de donc on a une couche assez noire sur le fond de la rétine, et on a surtout la rétine qui est tapissée des cônes et des bâtonnets qui vont eux absorber la lumière. Et donc en fait avoir ce fond noir et les cellules réceptrices devant, ça permet en fait d'avoir une meilleure en fait, une meilleure assimilation de la lumière à ce niveau-là. Ceci étant dit, on a des animaux qui ont une rétine complètement dépigmentée. Certaines souris de laboratoire, par exemple les souris blanches, ont une rétine qui est complètement transparente. C'est d'ailleurs très pénible à disséquer quand on travaille sur la vision, ce qui a été mon cas. Et on pense que ces souris ont aussi, du coup, à cause de ça, des problèmes d'inflammation de la rétine chronique, justement parce qu'on n'a pas cette protection du fond de la rétine qui est bien foncé, avec les cellules à bâtonnets et à cônes par-dessus. Et du coup, elles portent... Enfin, donc quand même leurs cellules cônes bâtonnées. Mais... Elles portent plutôt des lunettes ou plutôt des lentilles, c'est ça le... C'est... Bah écoute, je vais essayer avec mes souris demain au labo si tu veux. Je pourrais leur mettre des lunettes et des lentilles et voir ce qu'elles préfèrent. Et du coup, il y a une question de Lutine dans la chatroom qui m'intéresse aussi parce qu'on m'a toujours dit « Ah, mets des lunettes de soleil, t'as les yeux bleus. » Alors, est-ce que la couleur des yeux, ça a à voir avec le fait d'être ébloui ou d'avoir les yeux plus abîmés si on reste au soleil ? Alors ça, c'est en fait, c'est pas si clair que ça. Ça, c'est une idée reçue, très clairement. Maintenant, alors... On va dire que tu as une association. Si tu as les yeux clairs, tu as plus de chances d'être ébloui plus facilement. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement toujours vrai. Voilà, pas nécessairement. En même temps, c'est comme cette idée que si tu as la peau claire, tu as forcément les yeux clairs. Ce n'est pas non plus nécessairement le cas, quoi. Du coup, mes parents m'ont toujours embêté pour rien à vouloir absolument me mettre des lunettes de soleil en toutes circonstances. Et bah ouais, les miens aussi, en fait, parce que moi, j'ai les yeux verts assez clairs, et pareil. Et en fait, moi, pour le coup, je suis pas du tout sensible à la lumière forte, quoi. Ouais, je pense que tes Alors parents que t'ont embêté pour rien. Alors moi, j'ai les yeux marron caca, et pourtant, je suis très sensible à la lumière. Et t'es en PLS. Donc, voilà. Ok, alors arrêtez les parents. Arrêtez les parents. Eh bah, merci, Alexa. J'avais une petite question d'ailleurs en rapport avec ma chronique. Est-ce qu'il y a des, à part la couleur des yeux, est-ce qu'il y a des variations violentes de la façon dont les gens voient les couleurs selon les pays, enfin selon les régions du monde ? C'est une très très bonne question. Je vais en parler un petit peu et je dis que non dans mon truc, mais je voulais en vérifier avec toi. on sait que. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si une étude a été faite selon la région. Attends, tu peux répéter ta question, Joanne ? Est-ce que selon les ethnies, il y a des différences sur la structure de l'œil qui ferait que les gens verraient les couleurs différemment selon structure de l'œil, d'accord, ok. Non, parce il y a des études qui ont été faites, mais cette fois-ci sur l'influence du langage, sur la perception des couleurs. Mais... Ouais, bah, j'ai parlé de ça, d'accord. Du coup. Mais du coup, je disais que, voilà, je disais qu'il n'y avait pas, du coup, de variation physique, mais en fait, je n'étais pas totalement sûr. Donc, voilà. Et bah, donc, ça fait une transition parfaite pour ma chronique. Merci, Alexa. Et du coup, on te dit au revoir pour que tu ailles te faire piquer. Voilà, bonsoir tout le monde. La picouse. Alexa, expérimente pour nous en mode journalisme d'investigation. Qu'est-ce que ça fait d'être la première de l'équipe vaccinée Bravo. Ok, et ben donc maintenant, on va passer à ma chronique. Et alors du coup, quand tu dis à un physicien la couleur bleue, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend pourquoi le ciel est bleu. Qui est sans doute donc... la première question de physique que beaucoup d'enfants posent. D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, préparez-vous, ça va venir un jour. Du coup, à ce moment-là, vous avez trois choix. Soit l'évitement, demande à ta mère, elle a fait bac S. Soit le trollage de gamin. C'est comme ça par convention, ça a été voté à l'ONU en 1982. Avant, il était vert, mais ça rendait les gens malades, alors on l'a repeint en bleu. Troisième possibilité, vous écoutez cette chronique. Pas de soucis, jeunes parents débordés, aujourd'hui on révise et lorsque la question fatidique arrivera, vous n'aurez qu'à sortir la craie et le tableau et à réciter les équations. Déjà, avant de venir à la physique, en fait, c'est loin d'être aussi évident que ça, que le ciel est bleu, en fait. À la fin du 19e siècle, William Gladstone est un ancien premier ministre britannique absolument fasciné par Homère, l'auteur grec. Vers la fin de sa vie politique, il se dit qu'il va écrire un pavé de 3 volumes sur cet auteur grec Homère pour occuper sa retraite. Et à l'intérieur, en fait, durant sa longue étude de l'Iliade et de l'Odyssée, il remarque en fait que les couleurs chez Homère sont vaguement bizarres. Donc un exemple qui est très connu chez les hellénistes, c'est qu'on parle de la mer comme d'une couleur de vin foncé. Et pas qu'une fois d'ailleurs, cet épithète est utilisé 5 fois dans l'Iliade et 12 fois dans l'Odyssée pour parler de la mer, souvent pour décrire une mer durant la tempête. Des générations d'hellénistes se sont étripées sur la question, avec des hypothèses comme le fait que l'eau du Péloponnèse étant très alcaline, il est possible que le vin grec, à l'époque, soit légèrement bleuté. Ou alors que « mer de vin » pouvait vouloir dire que la mer, elle est comme ivre, donc agitée par opposition à apaisée. Quoi qu'il en soit, notre Gladstone commence à recenser les couleurs de l'œuvre d'Homère, et il remarque en fait que le bleu est quasiment absent. Le mot « kyanos », dont il est attesté qu'à un moment de l'évolution de la langue désignait cette couleur, apparaît très rarement. Et on pense d'ailleurs que pour Homère, il signifiait sans doute sombre, car il est utilisé pour décrire les sourcils de Zeus, par exemple. Donc Zeus avait les sourcils bleus selon Homère. Et il n'y a pas que la mer et les sourcils de Zeus. Tout est bizarre chez les couleurs pour Homère. Les moutons du cyclope de l'Odyssée sont violets, le miel est vert, le sang est noir. Et donc, en exclusivité, pour les Grecs anciens, le ciel était parfois couleur de bronze. Donc, Gladstone, qui était meilleur politicien que biologiste, en déduit donc que les Grecs de l'époque avaient des yeux différents des nôtres, et en gros qu'ils étaient daltoniens. Et que notre capacité à discerner le bleu est en fait un entraînement progressif de notre œil à travers les générations. Mais une évolution aussi radicale en 3000 ans, ça paraît beaucoup. Et surtout qu'on imagine que ça se verrait aussi dans d'autres ethnies de la planète si c'était aussi violent que ça. Ça a quand même intrigué quand même les scientifiques, car le monde que décrit Homère a l'air vaguement bizarre, comme une sorte de tableau à l'époque fauviste où rien n'a la même couleur que celle qu'on a actuellement. Et la réponse en fait vient sans doute plus des linguistes que des biologistes. Ainsi, les Russes ont deux mots pour parler du ciel s'il est sombre, comme avant la nuit, goluboy, que l'on traduit par bleu foncé en français, ou Sydney, pour parler du ciel clair, que l'on traduit par bleu clair en français. Mais donc, on n'a qu'un seul mot en français. Et pour les Français, donc, on pourrait dire bleu dans les deux cas, mais ça ferait sans doute sourire un Russe, car le fait d'avoir deux mots, en fait, crée deux cases différentes dans le cerveau et donc crée deux réalités de cette chose-là. C'est un peu comme si je vous disais que le sang était couleur saumon ou que la couleur des cheveux d'un roux était vermillon. C'est des couleurs proches, donc on comprendra sans doute ce que vous voulez dire. Mais comme dans le rouge, on a plein de petites subtilités pour en parler, si on utilise une pas tout à fait exacte, ça peut vous faire tiquer. Du coup, retour au bleu. Vous voyez tout de suite la pauvreté de notre langage en français d'ailleurs, parce qu'on utilise le même mot « bleu » pour parler du ciel et de la mer, ce qui est tout de même absurde, vous en conviendrez, et ce qui ferait sans doute halluciner Homère. Les Grecs, quant à eux, avaient peut-être une séparation des couleurs qui était beaucoup plus basée sur l'intensité de la couleur, foncée ou claire, que sur le pigment. Et donc, il faut comprendre Homère comme le ciel est brillant comme un objet de bronze poli et la mer est sombre comme le vin. On s'aperçoit que même si toutes les ethnies modernes ont des yeux quasiment identiques, ils classent les couleurs différemment. Et ce classement différent, après dire, permet des ethnies d'être plus ou moins sensibles à des variations de couleurs. Et donc ainsi, une étude en 2006 a montré que les russophones étaient plus rapides que les anglophones à distinguer des variations entre le blanc clair et le bleu foncé, ce qui était expliqué par les auteurs de cette étude, par le fait qu'ils avaient plusieurs mots pour séparer ces choses-là. Et donc notre Gladstone n'avait pas tout à fait tort, notre vocabulaire influence la façon dont nous percevons les couleurs du monde, pourtant avec des yeux identiques. Donc un tout petit caveat ici, cette théorie linguistique fait encore débat de ce que j'ai compris et je ne suis pas tout à fait assez spécialiste pour juger de la validité de cette théorie sur vraiment le fond. La question d'Homère, mais je crois que par contre sur la question de la discrimination de sont capables les Russes avec leurs deux mots pour le bleu, ça a été testé dans une étude assez récente justement. Donc sur les Russes, là, c'est une étude de PNAS en 2006, donc ouais. Mais vraiment, oui, sur l'influence plus générale d'Homère, effectivement, que ce serait leur langage qui faisait qu'ils ne voyaient pas le bleu, c'est encore assez... Enfin, plus généralement, en fait, à quel point la linguistique influence la vision du monde et pas encore tout à fait tranchée de ce que je comprends. Voilà. Mais revenons-en à nos équations de physique. Pourquoi le ciel est bleu ? Alors ici, il faut parler de diffusion. La diffusion, dont vous avez un tout petit peu déjà parlé Alexa, c'est le phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière ou le son, est dévié dans diverses directions par une interaction avec d'autres objets. Donc ici, la lumière, c'est celle du soleil, et l'objet, ce sont les molécules de l'atmosphère. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Cette diffusion peut faire changer donc, la direction de l'onde qui arrive sur cet objet. Donc la direction, ce qu'il faut, la façon dont il faut le comprendre, en gros, c'est l'angle du triangle qui est composé par votre œil, la molécule dans le ciel et la lumière du soleil. Enfin, peut-être plus dans l'autre sens, ça fait plus de sens. Donc la lumière du soleil qui émet la lumière, qui est diffusée par une molécule quelque part dans le ciel et qui arrive à votre œil. Et donc on voit qu'une diffusion faible, c'est si vous regardez quasiment dans la direction du soleil. Là, en gros, cet angle-là est très faible parce que vous avez quasiment, c'est quasiment une droite entre le soleil, l'atmosphère qui diffuse et votre œil. Par contre, si vous regardez avec le soleil dans le dos, quasiment à l'horizon, vous allez en fait avoir une grande diffusion au sens où, en gros, c'est plus de 90 degrés. C'est comme si la lumière, en fait, repartait dans l'autre sens, en fait. Touche l'atmosphère et repart dans l'autre sens vers votre œil. Or, les longueurs d'onde sont plus déviées selon les longueurs d'onde, c'est-à-dire selon les différentes couleurs qui arrivent dessus. Toutes les longueurs d'onde ne sont pas déviées de la même façon lorsqu'elles rencontrent les molécules de l'atmosphère. Donc, je rappelle que le Soleil contient toutes les longueurs d'onde à la fois, toutes les longueurs d'onde visibles. Donc, c'est une lumière, si on le regarde depuis l'espace avant l'atmosphère, le Soleil, avec notre œil, a une couleur totalement blanche. Mais toutes les couleurs ne sont pas déviées de la même façon. Or, les couleurs les plus déviées sont les plus courtes, donc le bleu et le violet, alors que les plus grandes, comme le rouge et l'orange, sont beaucoup moins déviées et sont donc uniquement observées dans les régions proches du soleil. C'est pour ça que le soleil est jaune en journée, en fait. C'est le blanc du soleil, mais où vous avez enlevé le bleu parce qu'il a été diffusé. Donc le jaune du soleil, c'est le blanc de notre étoile moins le bleu du ciel. Et au coucher du soleil, alors ? Eh bien, dans ce cas, la diffusion augmente encore, car la quantité d'atmosphère traversée est plus importante parce que vous regardez le soleil proche de l'horizon. Et, différence importante, vous regardez exactement dans la direction du soleil à ce moment-là. Et donc, du coup, vous regardez à des angles de diffraction qui sont beaucoup plus faibles. Du coup, l'angle soleil-molécule-œil diminue énormément. À ce point, les rayons bleus et jaunes sont déviés à des angles plus importants parce qu'il y a plus d'atmosphère au-dessus de votre tête et donc il ne reste plus que le rouge qui teinte le ciel et le soleil. Bon, c'était rapide parce que toutes les chaînes ou blogs ou podcasts de vulgarisation physique du monde ont déjà traité cette question à leur sauce avec des petits raffinements, des différentes précises, etc. Et je vous encourage à aller les voir. Moi, je suis astronome et n'en déplaise aux géologistes, la Terre est toujours la plus chiante des planètes. Donc on recommence. Papa, est-ce que le ciel de toutes les planètes est bleu ? Ah, en voilà une question qui est la plus intéressante. La science-fiction s'est intéressée au problème et j'ai trouvé deux séries étudiant la question du ciel violet. La première, c'est l'épisode 11 de la saison 3 de Sliders. Donc, une série que les gens de mon âge se rappellent avec émotion. Donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi à retrouver cet épisode. Et donc bon... c'est fauché, ça joue mal, et c'est nanardesque possible, et ça aurait certainement dû rester avec beaucoup de choses dans un sorte de passé idéalisé, nimbé de nostalgie, un peu comme les films avec Harrison Ford, qui me font grimacer à chaque fois que je les revois maintenant, parce qu'il passe son temps à choper des filles contre leur gré. Bon, Sliders, c'est l'histoire d'une équipe de 4 personnes qui ont inventé le voyage interdimensionnel et à chaque épisode, ils sont pour une période donnée dans une Terre, dans une dimension parallèle. Et donc cette Terre, elle est toujours presque pareille parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais toujours un tout petit peu différente. Mais effectivement, à un moment, ils débarquent sur une planète remplie de robots. Du coup, il y a 4 types de robots différents, c'est-à-dire que l'intégralité de la planète peut jouer avec 4 acteurs différents et un ciel violet. Et le robot Bogos se retrouve sur un balcon pour choper la meuf de l'équipe en lui parlant du ciel violet. Et alors, donc à ce moment-là, elle lui demande « Mais pourquoi le ciel est-il violet ?» Et l'explication qu'il donne est que les atomes de son atmosphère sont plus petits. Bon, Déjà, c'est faux parce qu'en fait, ce qui fait la diffraction de Rayleigh dans ce cas de l'atmosphère, c'est en fait la vibration des deux atomes de la molécule de diazote ou de dioxygène qui crée la diffusion par la taille des atomes. Et quand bien même il serait possible de trouver un autre gaz qui, en diffusant, diffuserait plus et du coup donnerait du violet, le problème, c'est que du coup, l'atmosphère de cette planète ne serait sans doute plus composée de diazote et de dioxygène et donc ne serait plus respirable, ce qui est un problème de taille pour une série où les gens se baladent sans scaphandre. Une autre série qui envisage la planète violette, c'est le 11e épisode de la saison 1 de la série Stargate Universe. Alors attention, c'est pas la série Stargate SG-1 de la même époque de Sliders, ce que d'autres, les gens de ma génération se rappellent aussi sans doute avec émotion, à cela près que quand même Stargate SG-1 se regarde encore très bien et que les astronomes du monde entier adorent et vantent la vraisemblance scientifique en astronomie. En plus, l'astrophysicienne de la série est une jeune femme badass, jolie et plus intelligente que tout le monde, et donc ça a mieux vieilli que les films d'Harrison Ford. Stargate Universe, c'est une série, un spin-off, donc une série déviée de celle-là qui est sortie au début des années 2000 et qui est nettement moins bien. Mais pour toi, public, je ne recule devant aucun nanar, donc je l'ai regardé aussi. Et à un moment, l'équipage débarque sur une planète habitable, mais totalement violette. Et la raison donnée ici est scientifiquement un peu plus valide, mais me paraît tout aussi fausse. Enfin, je crois, ou alors j'ai pas compris. L'un des personnages de l'équipe explique que l'étoile est sans doute une naine rouge, c'est-à-dire une étoile beaucoup plus petite et froide que notre Soleil. Les naines rouges sont les planètes les plus fréquentes de notre galaxie. Pour notre Soleil, le maximum de luminosité de notre étoile est en plein milieu de notre spectre de vision dans le Vert, avec un spectre relativement plat dans la taille de visible qu'on voit. Si vous prenez une naine rouge, son maximum de luminosité est très loin dans l'infrarouge. Et du coup, le ciel dans une planète de ce type serait translaté loin dans l'infrarouge. Il y aurait beaucoup plus de rouge, un peu moins de vert et quasiment plus du tout de bleu ou de violet en arrivant sur ces planètes. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ce serait que le ciel d'une planète orbitant autour d'une naine rouge serait sans doute plus rouge que violet. Meilleure idée, sans doute, que dans Sliders, mais il aurait fallu, je crois, plutôt utiliser une géante bleue comme planète pour créer cet effet. Bon, alors, et Mars, du coup. Mars, on introduit une complexité supplémentaire. Parce qu'en fait, la majorité de la diffusion n'est pas due aux atomes de l'atmosphère, mais aux particules de poussière qui sont en permanence dans l'atmosphère. Et puis là, c'est différent. En effet, ces particules sont d'une taille autour du micron, soit relativement proche de la longueur d'onde de la lumière visible. Alors que les atomes et les molécules de l'atmosphère sont 100 à 1000 fois plus petits que la lumière visible. Et donc pour ces grosses particules, la théorie de Rayleigh ne s'applique plus et on doit utiliser la théorie de Mie, M-I-E, qui est une généralisation de la théorie de Rayleigh. Quelle est la couleur a donc le ciel dans une planète saturée en petites particules microscopiques ? Vous le savez sans doute si vous habitez dans le sud de la France, car en février 2021, une tempête dans le Sahara a ramené du sable dans le sud de la France, ce qui a engendré des ciels rouge-orangés. Alexa, en Californie, a sans doute pu le voir aussi cet été, lorsque d'énormes incendies ont rempli le ciel de cendres, et je l'ai moi-même observé en Chine, dans la ville ultra-polluée de Tian. Dans la fiction, je vous conseille la scène à Las Vegas, dans le génial et magnifique Blade Runner 2049 de Villeneuve. Et c'est sans doute, du coup, l'ambiance à peu près en permanence sur Mars, avec des ciels rouge-orangés dont la couleur varie en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Et je mets dans la chatroom, du coup, un montage fait par l'astrophotographe Thomas Appéré de 6 photos du même endroit prises par le rover Curiosity sur Mars, durant une semaine pendant une tempête, et qui montre en fait l'atmosphère devenir de plus en plus rouge en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Mais là, il y a un problème, en fait, avec les particules de la taille de la longueur d'onde. C'est que la diffusion est nettement plus compliquée. En effet, à ce moment-là, d'autres paramètres deviennent plus importants dans la diffusion. La forme des particules, la composition chimique peuvent avoir une influence. Et on doit alors utiliser des théories qui sont encore plus compliquées que celles de Mie pour vraiment modéliser plus finement les aspects. Et il est difficile de faire des généralités comme sur Terre. Et beaucoup de ces subtilités ne sont d'ailleurs pas encore comprises. Je vous laisse du coup pour le spécialiste un papier qui a été écrit dans la revue Applied Optics avec un très chouette nom qui s'appelle Blue Moon and Martian Sunsets. Car oui, de quelle couleur sont les couchers de soleil sur Mars ? Ils sont tout bleus. Je vous fais donc, pour conclure, de toutes petites recommandations pour cet épisode dont je me suis inspiré et que je vous encourage à aller voir ou écouter. C'est le premier, c'est le podcast Colors de Radiolab. Donc, c'est en anglais, mais c'est un des podcasts, un des meilleurs épisodes de ce podcast qui est souvent absolument génial, qui est Radiolab. Et aussi, je vous conseille le site et le Twitter de Thomas Appéré, qui est donc ce photographe amateur qui, en fait, bénévolement, prend des photos brutes sur le site de la NASA, et puis on fait des magnifiques photos que vous pouvez voir chez vous, même afficher chez vous, le tout bénévolement. Et on va l'inviter bientôt d'ailleurs pour parler plus en détail des couleurs de Mars. Ah ben c'est cool cette invitation. C'est classe. Et alors, cette histoire de... Ouais, c'est trop bien. Et cette histoire de sable, il n'y a pas que dans le sud où ils l'ont eu. Hein. Jusqu'en Alsace, on avait le ciel tout rouge. Hein. C'était assez impressionnant. D'accord, ben j'étais, oui, j'étais pas à Paris, je pense. Enfin, j'ai pas remarqué, moi. Donc, toi, tu l'as vu aussi. ouais, ça faisait vraiment une ambiance jaune, rouge, comme ça, dans Blade Runner. Toute l'atmosphère, c'était assez ouf. On se serait cru dans Blade Runner, pour le coup. Il y a une idée aussi que c'est des particules, notamment, qui nous amènent de la radioactivité ou un truc comme ça. Il n'y avait pas cette idée qu'on se prenait en plus, en même temps que ces particules sahariennes, des particules qui venaient d'essais nucléaires qui avaient été faits par les Français ailleurs. Ah. une sorte de karma biologique. Voilà. Je ne sais pas, mais... Écoute, je n'ai pas lu ça. Ouais, je le recherche. Ça serait sans doute extrêmement faible, j'imagine, si c'était le cas quand même, parce que c'est quand même assez loin, mais peut-être c'est le cas. C'est vrai que mes grands-parents ont émis l'hypothèse selon laquelle c'était une manigance de scientifique et que c'était quand même le pas normal de voir ça. Le sable radioactif venu du Sahara vous a inquiété ? Ces chiffres vous aideront à relativiser, nous dit le Huffington Post, que je vais poster bien sûr dans la chatroom pour vous rassurer. Mais bon, je vais pas inventer ça. Mais donc il parle de radioactivité, ah ouais, parce que je l'ai parcouru cet article-là. D'accord, je sais pas... Ok. Donc maintenant nous revenons à la biologie avec Topo qui va nous parler des couleurs chez les Schtroumpfs. De la vraisemblance de la peau des Schtroumpfs, en fait, c'est ça le nom de ma chronique, car à l'occasion de cette émission de podcast science mettant le bleu à l'honneur, j'ai voulu me pencher sur un problème biologique de la plus haute importance. Pourquoi les Schtroumpfs sont bleus? Et est-ce une couleur vraisemblable dans la nature? Eh bien, la première question, la réponse est aujourd'hui connue, et ce malgré le mystère que laissait volontiers planer le créateur des Schtroumpfs. En réalité, si Peyo, de son vrai nom Pierre Culliford, a bel et bien inventé les Schtroumpfs en 1958 pour les intégrer à une aventure de sa série médiévale fantastique Johan et Pierre Louis, big up à Johan, hein, c'est ça l'inspiration ou... La flûte à six Schtroumpfs. Exactement, c'est dans cet épisode qu'apparaît les Schtroumpfs pour la première fois. Donc, je ne crois pas que mes parents soient des fans de Johan et Pierre-Louis, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler quand j'étais petit. Bon, désolé pour le PTSD. Donc, ce n'est pas Peyo qui a décidé de la couleur de ces petits personnages, mais sa femme, Janine Culliford, dite Nine Culliford, car en tant que coloriste de ces BD, c'est à elle qu'incombait le choix des couleurs des protagonistes. Et donc, pour les petits lutins, c'est par élimination qu'elle aurait procédé, évitant le vert des martiens, le rouge de la colère, le jaune de la maladie, pour finalement opter pour un bleu en harmonie avec leur milieu naturel forestier. Bon, vous direz que je suis un petit peu fleur bleue, mais cette collaboration entre époux m'enchante. Reste donc que, pour cette chronique, il faudrait déterminer si le bleu est une couleur vraisemblable pour ces petits habitants d'un village de champignons menacés par un grand sorcier qui veut les utiliser comme ingrédients pour confectionner la pierre philosophale. Oui, certes, ce n'est pas l'aspect le plus abracadabrant de cette fiction, mais c'est un sujet schtroumpfant néanmoins. En tout cas, un sujet strange schtroumpf et schtroumpfensings, selon moi, et donc en avant schtroumpf. Après une petite recherche sur Internet et à en croire certaines vidéos YouTube, blogs et sites web divers et variés, notre planète bleue serait peuplée d'êtres vivants arborant très rarement la couleur azurée. Certains de ces auteurs prétendent même qu'aucun vertébré n'a réellement la peau bleue. What the schtroumpf ? M'exclamai-je, étreint soudain d'une peur bleue d'avoir laissé passer des âneries dans mes précédents billets de blog, voire pire, dans une entrée du livre Nature secrète dont je suis co-auteur. M'étais-je fait berner comme un bleu ? Mais en relisant mes notes, pas de doute possible. Je connais bien une myriade d'exemples d'animaux bleus déployant des tons allant du profond saphir jusqu'au cyan. Il devait y avoir schtroumpf sous roche, à mon avis. En réalité, tout dépend de ce que l'on signifie lorsque l'on affirme que le bleu est rare chez les êtres vivants. Pour s'en persuader, essayons d'abord de dresser une liste des animaux bleus. Chez les oiseaux, certains commencent leur vie dans une coquille bleue. C'est le cas des étourneaux, des rouges-gorges ou encore des geais bleus. Ces derniers arborant d'ailleurs de splendides plumes bleues qu'on trouve aussi chez le martin-pêcheur, le paon ou encore le sublime ara-hyacinthe, un perroquet brésilien recouvert de plumes bleues cobalt. Mais entre la coquille d'œuf qui n'est pas vraiment l'animal et le plumage qui n'a pas vraiment sa peau, j'imagine que certains se mettront à grommeler plus fort que Schtroumpf Crognon. Inutile donc de mentionner le bleu des yeux, les oiseaux comme le jardinier satiné qui collectionne les objets bleus pour décorer son nid, ou de leur pointer les animaux ennoblis chez qui le sang est bleu, tels certains crabes, pieuvres ou encore les limules. Chez ces animaux, le sang, qu'on devrait plutôt appeler hémolymphe, contient, à l'instar de l'hémoglobine chez les vertébrés, une molécule surnommée l'hémocyanine et qui paraît bleue lorsqu'elle est oxygénée. C'est qu'elle troque aux atomes de fer, qui donnent la couleur rouge à notre sang, des atomes de cuivre qui bleuissent lorsqu'associés à l'oxygène. D'ailleurs, au passage, les limules jouissent aujourd'hui d'une triste célébrité, car ces animaux, à l'apparence de crustacés, mais proches parents au final des araignées, eh bien, ces animaux sont exploités par les laboratoires pharmaceutiques qui les saignent pour en extirper un LISA permettant de détecter de potentielles contaminations bactériennes. Donc c'est très très important. Et sans le sang bleu de limule, eh bien, pas de vaccin Covid-19 sans risque, par exemple. Donc, heureusement qu'on doit remercier les limules pour ne pas mettre en danger notre cher Alexa. D'ailleurs, ça inquiète les biologistes de la conservation, prêts à dépêcher les casques bleus pour sauver les limules, mais je dis schtroumpf. Quels sont donc les animaux qui ont le bleu dans la peau? Mais ils sont pléthores, en fait. Je pourrais vous citer la pieuvre aux anneaux bleus, le mandrill aux fesses et museaux bleutés. Je peux vous parler aussi des pattes palmées, du fou à pieds bleus, la langue de la girafe ou du cinq à la langue bleue, pour finir par mon exemple préféré, le scrotum cérulé de plusieurs espèces de singes, à commencer par les vervets, qui ont donc littéralement les boules bleues. Les grincheux, bleus de colère, me rétorqueront que ces exemples s'écartent de l'apparence des schtroumpfs qui sont, eux, totalement bleus. Bah, à cela, on pourra leur opposer le bleu des grenouilles d'Androbate, réputées pour leurs toxines mortelles, ou encore la couleur de splendides siphonophores marins. Ce sont des animaux qui sont apparentés aux méduses et qui sont tout aussi dangereux que ces grenouilles d'Androbate. On peut y citer par exemple la galère portugaise, la porpite ou la vélèle. Et on peut aussi citer leurs rares prédateurs qui sont également bleus et qui portent le nom évocateur de dragon bleu, bien qu'il s'agisse en réalité de mollusques gastéropodes. Et pour parachever cette liste, je finirai par citer les animaux qui brillent en bleu, comme certaines lucioles, méduses ou encore les intrigants calmars lucioles du genre Watasenia, qui peuvent bleuir tout un littoral nocturne. C'est très très beau à voir, notamment sur le littoral du Japon. Alors on le sent bien, le schtroumpf est dans le détail et tous ces bleus ne sont pas équivalents. À commencer par leur longueur d'onde et par là même leur emplacement dans le spectre de la lumière visible. Si la plupart des spécialistes s'accordent à dire que les bleus se caractérisent par des longueurs d'onde électromagnétiques entre 450 et 490 nanomètres, alors quelques exemples plus hauts devraient être exclus, car plutôt caractérisés par des longueurs d'onde situées entre 490 et 520 nanomètres, qu'on nommera alors plus volontiers comme du cyan. Alors, peut-être que c'est couper les schtroumpfs en quatre, pourront s'exclamer certains, mais en fait, pour citer Martial de la chaîne Lanterne Cosmique, appeler cette couleur du bleu est en fait vraiment bizarre, parce que sur le cercle chromatique, la roue de toutes les teintes qui existent, le cyan est juste aussi éloigné du vrai bleu que le rouge est éloigné du jaune. Appeler cette couleur du bleu clair est donc à peu près aussi absurde que appeler le jaune du rouge clair. Or donc, parmi les exemples précédents, les couilles du vervet et la coquille du rouge-gorge sont de beaux exemples de cyan et non du bleu schtroumpfo sensu. Mais à dire vrai, la différence fondamentale entre toutes les nuances de bleu ou de cyan qu'arborent les exemples cités précédemment, c'est surtout leur genèse et leur mode de production. On distingue ainsi les animaux qui sont bleus car bioluminescents, c'est-à-dire capables de produire de la lumière à travers des processus biochimiques, de ceux qui accumulent des pigments bleus à ceux, enfin, qui sont capables d'obtenir une apparence bleue par l'acquisition de ce qu'on appelle une couleur structurelle. La très grande majorité des animaux bioluminescents sont marins et parmi eux, une écrasante majorité produit une lumière bleue. Certains chercheurs font d'ailleurs un lien entre la proportion importante de la faune capable de bioluminescence bleue avec le fait qu'il s'agit de la longueur d'onde qui peut parcourir la plus longue distance dans l'eau. Ce qui est fascinant avec la bioluminescence, c'est que les molécules d'origine biologique qui permettent ces réactions chimiques, surnommées le plus souvent luciférines, qui veut dire qui portent la lumière, eh bien ces luciférines ont des structures très variables et ont vraisemblablement été acquises à plusieurs reprises au cours de l'évolution des espèces bioluminescentes. Mais trêve de schtroumpferie, les schtroumpfs ne brillent pas la nuit en bleu, nous voilà donc sur une fausse schtroumpf. Penchons-nous maintenant sur la vraisemblance d'un épiderme de schtroumpf enrichi en pigments bleus. Un pigment, c'est une molécule qui absorbe certaines longueurs d'onde pour n'en réfléchir que certaines. Un pigment noir absorbe donc toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, un pigment blanc aucune, et un pigment bleu absorbe très peu les longueurs d'onde comprises entre 450 et 490 nanomètres. Dans un tissu, les pigments peuvent être accumulés dans l'espace, compris entre les cellules, ou bien être stockés dans des cellules spécialisées qu'on appellera alors souvent des chromatophores. Et il est vrai que les pigments bleus sont plus rarement trouvés chez les animaux que les pigments rouges, jaunes, noirs, etc. Sans être certain de la raison de cette rareté, la plupart des chercheurs de ce domaine ont pu constater que les pigments bleus animaux qu'on avait trouvés sont souvent des molécules complexes, probablement issues de processus biochimiques coûteux en énergie. Mais cela ne signifie pas que ces pigments sont introuvables et on en connaît chez de nombreuses méduses, des mollusques ou encore des crustacés, à commencer par les homards. Chez ces derniers, leur carapace est enrichie en un pigment qu'on appelle la bêta-crustocyanine qui au passage, lors de la cuisson, se brise en deux molécules rouges d'astaxanthine. En d'autres termes, inutile de chercher des homards rouges dans l'eau, ils sont plus souvent verts, bruns et parfois d'un bleu vif et ne deviennent carmin que dans la marmite. Chez les vertébrés, alors de leur côté, il est vrai que les pigments bleus sont encore plus rares et à ce jour, seules deux espèces de poissons mandarins ont été découvertes et caractérisées pour leur possession de cellules enrichies en pigments bleus, les cyanophores. Mais alors à quoi devons-nous les teintes azurées des grenouilles, qui sont des vertébrés, ou du museau du mandril, qui est encore plus proche de nous puisque c'est un primate? Le schtroumpf de l'histoire est qu'il existe une fantastique manière de générer de la couleur, la réflexion sélective. Pour ce genre de couleur qu'on surnomme couleur structurelle, ce n'est pas la présence de molécules arborant certaines longueurs d'onde qui confère la teinte, mais c'est la structure nanométrique du tissu qui va réfléchir sélectivement des longueurs d'onde tout en éparpillant le reste des rayons lumineux. C'est comme si vous étiez face à un miroir qui ne vous renvoyait que les photons bleus vers vous et dispersait localement les autres photons. Chez certains animaux, ces structures nanométriques qu'on retrouve dans les poils, les plumes ou les fibres de collagène de la peau sont complétées par la présence de pigments qui vont absorber en plus les fameuses longueurs d'onde non réfléchies pour obtenir un résultat encore plus vibrant. Je vous parlais d'ailleurs de ce phénomène à l'occasion d'une vidéo commandée par Eléa dans le cadre du festival Pint of Science où j'avais évoqué la couleur bleue du papillon morpho. Pour que cette couleur structurelle fonctionne, eh bien les agencements nanométriques doivent être d'une régularité folle et ne peuvent fonctionner que dans un certain milieu. Pour les papillons, c'est l'air. Et si vous plongez d'ailleurs les ailes d'un papillon morpho dans de l'alcool, vous perdrez immédiatement la couleur bleue. Alors quoi qu'il en schtroumpf, les exemples d'animaux bleus ne manquent pas et les lutins de Peyo pourraient tout à fait arborer une peau soit bioluminescente, soit enrichie en cyanophores ou dont les fibres de collagène génèrent une couleur structurelle bleue. Mais les plus schtroumpfants d'entre vous pourraient être tentés de rapprocher la gent schtroumpfienne de notre propre espèce. Les schtroumpfs seraient alors des sortes d'humains lilliputiens. Dans ce contexte-là, quelle vraisemblance a trouvé de petits humains bleus ? Eh bien, on pourrait pointer tout d'abord le fait que les ecchymoses sont bleues et envisager de tabasser régulièrement les lutins pour que l'intégralité de leur peau soit couverte de bleu. Bon, hormis la cruauté de ce processus, il s'avère que la couleur ne serait pas très pérenne. Une vidéo de Vivienne Lalande de la chaîne Syllabus m'apprenait récemment que les bleus ne le restaient pas longtemps et changeaient souvent de couleur, passant du violet au vert puis le jaune. J'y découvrais ainsi que plus les ecchymoses étaient profondes, plus le sang veineux, pauvre en oxygène et donc rouge sombre, paraîtrait bleu à la surface. Phénomène accentué par la présence d'hémoglobine complètement déplétée en oxygène, une molécule qu'on appelle à ce moment-là la déoxyhémoglobine, et qui prend une couleur bleue. Les couleurs vertes et jaunes suivent ensuite par dégradation de cette globine pour donner successivement une molécule qu'on appelle la biliverdine, donc le vert, et la bilirubine, le jaune. Donc plus sérieusement, on peut se demander si la peau humaine pourrait, chez certaines populations ou dans le cas de maladies, nous apparaître complètement bleue. Eh bien, il s'avère que oui. Notamment, un cas célèbre est documenté d'une famille américaine du Kentucky, près de Troublesome Creek, la famille des Fugate, qui s'est installée dans la région au début du 19e siècle. C'est le mariage d'Elizabeth Smith et Martin Fugate, tous deux porteurs d'une condition génétique à l'état récessif, c'est-à-dire différent de dominant, hein, comme nous l'expliquait tout à l'heure Alexa. Donc c'est une condition génétique à l'état récessif qui, c'est le couple de ces deux personnes qui entamera une dynastie de personnes à la peau bleue. Le phénomène ici est dû à l'accumulation de méthémoglobine d'aspect rouge sombre car porteur d'un ion ferrique et non ferreux, allié à une peau particulièrement translucide. Mais en fait, il y a d'autres cas de Schtroumpf dans la vraie vie qui sont encore plus curieux, comme celui de l'argirisme. Sur Saft, un de mes anciens collaborateurs, Vran, en avait parlé, et je le cite, « Le phénomène survient lorsque les personnes sont exposées de façon très prolongée, plusieurs mois, à de fortes quantités d'argent ou de produits dérivés. Les particules métalliques ingérées ou respirées entrent dans le système sanguin où elles se lient avec des protéines du plasma, en particulier l'albumine, et elles se promènent ainsi à travers le corps et viennent se fixer où bon leur semble avec une préférence pour la peau. Donc, une résurgence récente de cas d'argirisme à l'heure actuelle, au XXe et au XXIe siècle, aurait été d'ailleurs liée à une consommation volontaire de solutions d'argent colloïdal comme d'un soin médical naturel. Mais ce que soulignent finalement ces deux cas schtroumpfants, c'est que la peau bleue des schtroumpfs, c'est bien loin d'être une caractéristique la plus invraisemblable. Mais moi, je trouve qu'il reste une question schtroumpfante. Pourquoi l'évolution aurait octroyé cet épiderme bleui à nos chers lutins? Et là, les réponses les plus courantes seraient, d'une partie des chercheurs nous citeraient par exemple le camouflage, ou le mimétisme, ou encore l'aposématisme, c'est-à-dire l'émission d'un signal très visible pour avertir d'éventuels prédateurs de leur toxicité. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la grenouille d'Androbate toxique des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Mais peut-être que la solution est plus lubrique. Peu de chance, à vrai dire. Alors que le bleu des boules des vervets, ou plus poétiquement, les plumes du paon mâle, est aujourd'hui interprété comme un caractère sexuel secondaire important, en gros, ce bleu flashy signale à la femelle « je suis là, je suis là, je suis le meilleur », eh bien nous pouvons exclure cette explication pour les schtroumpfs, qui, je vous le rappelle, sont asexués jusqu'à preuve du contraire, la schtroumpfette étant une création de Gargamel et les bébés schtroumpfs étant apportés par des cigognes. S'agirait-il alors d'une alimentation riche en pigments bleus ou en solutions d'argent, comme dans le cas de l'argirisme? Les schtroumpfs étant amateurs de salses pareilles, il faudrait éventuellement analyser finement la composition de ces baies. Je laisserai Eléa le soin de faire le debunking de cette possibilité. Mais pour conclure ma chronique, je vous partagerai mon hypothèse préférée. Et si les schtroumpfs étaient tout simplement tous parasités? Dans « Moi parasite », j'évoque le virus 4-6-CR4 qui infecte les grillons texans de l'espèce Gryllus texensis lors de leurs ébats sexuels. Ce virus peut même rendre les grillons particulièrement excités sexuellement pour décupler la probabilité de sa propre transmission. Mais parmi les effets secondaires de ce virus Viagra, des chercheurs ont découvert qu'il colorait en bleu les boyaux de son hôte. C'est aussi un virus de la même famille qui peut rendre la carapace de certains cloportes infectés totalement bleue. Un virus dont la famille est si ancienne qu'on a même retrouvé des cloporte bleutée, fossilisée, dans de l'ambre. De quoi filer une schtroumpf bleue au schtroumpf. Et ce fut la fin de ma chronique. Alors, je... C'est formidable. Les schtroumpfs existent dans la vraie vie. Et ils sont peut-être parasités. Alors, pour la salse pareil, du coup... Oui. Je sais pas si les schtroumpfs ils mangent les baies dans la BD ou s'ils mangent les feuilles, parce que les humains ils mangent plutôt les feuilles de salse pareil, du coup. Eh ben, je crois que c'est les baies. Moi, j'ai le souvenir en le lisant de voir parce une que... collecte de feuilles. Hein, mais... Ah bon ? J'ai cru voir une confiture de salse pareil, mais je vais vérifier de ce pas. Oui, c'est possible. On peut faire de la confiture avec les baies, mais je crois que sinon, elles ne sont pas trop mangées. Par contre, les jeunes pousses de salse pareil, ça se mange. Voilà, c'est le... La salse pareil de Gargamel. C'est vrai qu'ils ont l'air de manger plutôt les feuilles. Très bien, bah, merci Topo. Je ne crois pas avoir vu de questions dans la chatroom pour toi. C'était peut-être trop What the Schtroumpf. Mais moi, j'ai trouvé ça schtroumpf passionnant. Et donc, je propose de passer à la suite de la chronique d'Eléa sur la salsa pareil bleue. Alors, du coup, la salsa pareil n'est pas bleue. Moi, je voulais appeler ma chronique le tuto ultime pour devenir une fleur bleue. Mais Pierre a déjà fait la blague au début de sa chronique. Voilà. Alors promis, c'est pas une chronique de podcast lifestyle sentimental, mais c'est une chronique qui va parler de la couleur bleue dans le monde végétal. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop peur quand je vous ai dit le nom de la chronique. Alors le bleu, contrairement au monde animal, c'est une couleur plutôt rare chez les plantes, hein, si on prend l'ensemble des plantes, et des plantes, il y en a à peu près 380 000. Pour le vert, il n'y a pas de problème, ça, on en trouve. Le pigment qui donne cette couleur verte, vous vous rappelez, j'en parle tout le temps, c'est la chlorophylle, qui est présente en abondance chez toutes les plantes, et c'est d'ailleurs le fait d'en avoir qui font d'elles des plantes, justement. Mais des pigments, il y en a d'autres, de toutes les couleurs. Je ne vais pas revenir sur tous les pigments qui existent, puisque j'avais déjà fait une chronique rendez-vous en terre indigo. À ce propos-là. Mais des pigments bleus, il n'y en a pas tant que ça. Et l'une des explications fournies par les biologistes de l'évolution, c'est que la vision de la couleur bleue, ce n'est pas si répandue chez les insectes ou chez les animaux, et que du coup, cette couleur n'aurait pas été sélectionnée au cours de l'évolution, à part pour quelques exemples précis dont on a parlé avant avec Alexa, et peut-être que Topo donnera d'autres exemples dans la suite de ma chronique, si je dis des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme plante bleue, du coup, dans le monde ? Pour devenir bleu, quand on est une plante, on peut déjà faire semblant d'être bleu. Et la couleur structurelle dont parlait Topo juste avant chez les papillons morpho, ça existe aussi chez les plantes. On connaît quelques exemples, principalement des plantes de forêt tropicale, qui ont cette caractéristique. Et un des exemples, ce sont les sélaginelles, ou alors le bégonia pan, dont j'ai déjà parlé dans un fil Twitter, et je vous mettrai le lien à la fin de l'épisode pour que vous puissiez aller voir la tête qu'il a. Du coup, dans ce genre de plantes, grâce à des structures spécialisées à la surface des feuilles, comme des compartiments modifiés pour réaliser la photosynthèse en conditions de basse lumière, ces plantes peuvent s'adapter aux denses couverts de la jungle. Ça leur permet non seulement d'exploiter le moindre rayon lumineux, mais en plus d'être protégées des éventuels coups de soleil ou rayons lumineux dans une certaine mesure, si un éclairage direct venait à percer. Alors, je vais pas trop m'étendre sur le mécanisme, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est amusant de savoir que ce phénomène-là existe aussi chez les plantes et pas que chez les animaux. Mais alors, comment faire pour être une vraie fleur bleue ? La seule vraie couleur possible chez les plantes viendra toujours des pigments dans la nature. Mais il ne suffit pas forcément d'avoir un pigment bleu. La plupart de la coloration bleue vient d'un groupe précis de pigments qu'on appelle les anthocyanes. Alors, un peu de connaissance en étymologie nous apprend que les biologistes ne se sont pas trop foulés pour nommer ces molécules, puisque anthos, c'est le terme grec pour fleur, et kyanos, on l'a vu plus haut avec Joanne, ça veut dire bleu. Donc, tout va pour le mieux dans le plus logique des mondes, les anthocyanes donnent la coloration bleue. Le problème de ces anthocyanes, c'est qu'elles changent parfois de couleur en fonction des circonstances. Certaines fleurs qui ont des anthocyanes sont ainsi roses le matin et bleues l'après-midi lorsqu'elles s'ouvrent. Un exemple bien connu de ça, c'est l'hypomée, qu'on appelle Morning Glory en anglais et que vous avez peut-être croisé dans des jardins botaniques. Il y a une autre fleur, je crois, qu'on a déjà évoquée dans le podcast. Elle s'appelle Clitoria ternatea et c'est la fameuse fleur clitoris qui a un très beau bleu. Et quand on l'infuse, elle fait un espèce de thé qui change de couleur avec l'acidité de façon assez spectaculaire. Ça passe du rose au bleu ou du bleu au rose. C'est assez bluffant. Mais il y a d'autres plantes qui restent bleues tout le temps, alors qu'elles ont pourtant des anthocyanes. Ce qui fait qu'à la fin, une question aussi simple que « pourquoi les fleurs sont bleues ?» est devenue mystérieusement mystérieuse. Alors j'ai trouvé une excellente revue, qui date de 2008, avec un historique de l'évolution de la recherche sur la coloration des fleurs bleues, parce que oui, c'est un vrai sujet de recherche, et ça fait à peu près 100 ans que les scientifiques sont dessus. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. La première, c'était que il y avait uniquement le pH, donc l'acidité du compartiment qui contient ces pigments. Ça s'appelle la vacuole chez les plantes. Donc c'est une sous-partie de la cellule végétale qui contient de l'eau et qui peut gonfler ou dégonfler en fonction des circonstances dans la cellule. La première hypothèse du pH, du coup, proposait que c'est l'acidité de ce compartiment qui déterminait la couleur des pétales. Alors, ça suffisait pas, cela dit, à expliquer la stabilité de la couleur de certaines plantes, puisqu'il y a des plantes qui ne changent pas de couleur. Du coup, ils ont proposé que ces pigments devaient pouvoir s'associer entre eux pour se stabiliser en formant des complexes avec d'autres pigments, ou alors avec des ions métalliques, formant ce qu'ils appellent les métallo-anthocyanes, qui seraient plus stables. Ça, c'est une théorie qui s'appelle la théorie du complexe métallique. Il y en a une troisième, qui est venue un peu plus tard, qui s'appelle la théorie de la copigmentation, qui ferait que certains pigments associés les uns aux autres donneraient une couleur de bleu plus intense. Et dans de nombreuses plantes de couleur bleue, ces associations de métallo-anthocyanes ont effectivement été détectées. Le premier qu'ils ont élucidé, c'est le complexe qu'on appelle la comélinine, qui donne la couleur de la fleur de coméline, et qui est composé de plusieurs anthocyanes et de plusieurs flavones, qui sont un autre type de molécules, toutes associées de façon très organisée autour d'un ion magnésium. Donc, il y a beaucoup de plantes qui sont dans cette situation et qui ont un bleu très intense. Et ce bleu est donc dû à la présence de métallo-anthocyanes, des complexes de pigments bleus. Et chez d'autres plantes bleues, il y a bien un seul pigment qui détermine la couleur. Et celle-ci peut varier soit en fonction du pH, soit en fonction de ses décorations chimiques, ou soit avec la façon dont il se combine avec lui-même ou avec un copigment. Les chimistes appellent ces structures désorganisées d'un seul pigment des fuzzy complexes ou des complexes flous. Alors ça devient assez technique, hein. Il y a des grosses structures moléculaires comme ça qui existent et qui sont cristallisées pour essayer d'identifier la couleur bleue chez les plantes. Et c'est le cas par exemple de l'hortensia, dont il existe des dizaines de variants colorés, des blancs, des roses, des bleus, des violets. Ils ont un seul pigment qui pourrait déterminer leur couleur, la delphinidine 3-glucoside, et cette molécule précisément s'associe de différentes façons selon les variétés, soit avec des ions aluminium, soit les unes avec les autres, et donc ça donne toute une gamme de nuances qui sont assez impressionnantes. Le bleu, c'est donc plus complexe que ça en a l'air. Alors, en cherchant des infos sur l'hortensia, j'ai trouvé une anecdote historique qui peut-être pourra vous intéresser. Moi, pendant très longtemps, je pensais que le nom de l'hortensia, ça avait été donné en l'honneur de Hortense de Beauharnais, qui était la belle-fille de Napoléon, et dont c'était l'emblème. On m'a toujours dit ça. Et en fait, en cherchant, c'est le naturaliste Philippe Commerson, le mec qui a fait le tour du monde avec Jeanne Barret, la femme qui s'est déguisée en homme pour faire le tour du monde avec Philippe Commerson en expédition. C'est Paul Commerson, du coup, qui l'a rebaptisé Posia Hortensia, en hommage à la fille du prince de Nassau-Siegen, qui s'appelait Hortense aussi, pendant une escale à l'île Maurice en 1769. Voilà. Et finalement, cette plante ne s'appelle plus du tout comme ça, puisque Auguste de Candolle lui donnera son nom scientifique actuel, qui est Hydrangea macrophylla. Voilà, ça c'était le petit point anecdote historique. Donc revenons à notre bleu. La couleur bleue, c'est pas super super fastoche, mais toutes ces recherches au cours des 100 dernières années, ça a permis de comprendre que dans le cas de l'hypomée qui change de couleur pendant son ouverture, par exemple, eh bien l'explication la plus rationnelle dépendait du phénomène d'osmose. Alors l'osmose, c'est la règle qui veut que les concentrations de substances dans une solution s'équilibrent de part et d'autre d'une membrane poreuse. Et donc, dans le cas précis de l'hypomée, pendant l'ouverture de la fleur, les vacuoles qui contiennent ces pigments vont s'acidifier en absorbant des ions. Pour compenser, l'eau va rentrer et diluer ces ions, et le compartiment va s'agrandir, et toute cette augmentation comme ça de quantité d'eau va motoriser un peu l'ouverture de la fleur. Donc, comme le pH change, la couleur suit, et on passe du coup d'une hypomée rose le matin à une hypomée bleue au cours de la journée, le temps de l'ouverture des pétales. Mais le summum du coup de la couleur bleue, c'est tout de même les espèces qui produisent du turquoise, c'est encore plus impressionnant. Je peux vous citer deux espèces assez impressionnantes, il y a Strongylodon macrobotrys, qui s'appelle aussi la vigne de jade, et dont la couleur est connue, et c'est dû à une copigmentation, donc une association entre deux pigments, la malvine et la saponarine, dans des proportions très précises, 1:9. Donc n'est pas turquoise qui veut, c'est cette recette-là qui permet à cette vigne d'avoir cette couleur turquoise. Une autre qui est dans ce cas-là s'appelle Puya berteroniana. Pareil, on va vous poster des photos dans la chatroom, qui a une très très belle couleur. Et ce bleu, qui existe dans la nature, ça fait rêver les horticulteurs, parce que le bleu est incontestablement la meilleure couleur. Donc, ce que je voulais vous raconter ce soir sur le bleu, c'est la quête de la rose bleue. Alors, ça sonne comme un titre de roman à l'eau de rose, bleu, mais je vous garantis que c'est un véritable polar, cette histoire. Évidemment, le bleu est une couleur qui plaît aux humains, ça fait rêver, hein, c'est une couleur apaisante, tout le monde aime le bleu, moi-même, c'est ma couleur préférée, et quand on aime, on n'est pas raisonnable, on veut voir le monde en bleu. Du coup, les fleuristes et les horticulteurs se sont mis à essayer de fabriquer des fleurs bleues, à tout prix, avec des stratégies parfois un peu douteuses. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà trouvé dans le commerce des roses bleues. En réalité, ce ne sont pas de vraies roses bleues, ce sont des roses blanches qu'on a trempées dans l'encre. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé aussi sur des orchidées d'un bleu intense, donc c'est les orchidées phalaenopsis, vous savez, celles qui gardent leurs fleurs très longtemps et qui se trouvent chez le fleuriste. En réalité, on leur injecte du bleu de méthylène dans la tige. Et pour ceux qui croient encore que c'est des vraies fleurs bleues, regardez attentivement quand vous en achetez une, le long de la tige. En général, il y a toujours un petit trou discret qui est refermé avec une pâte verte de la couleur de la tige et qui doit être légèrement antiseptique pour pas que la plante s'infecte. Et cette pâte est censée cacher le point d'injection du colorant. Mais là encore, ce ne sont pas de vraies fleurs bleues. Alors, les vrais collectionneurs, on ne peut pas les duper, hein. Les vrais collectionneurs de fleurs ne voudraient pas de ces pâles imitations martyrisées et colorées en bleu, parce que la teinture, ça implique que la couleur n'est pas définitive et que du coup, elle ne va pas se transmettre de génération en génération, ce qui est embêtant pour des collectionneurs de fleurs. Du coup, la seule solution pour produire des fleurs bleues, c'est de comprendre comment les plantes dans la nature fabriquent ces pigments bleus pour augmenter la concentration de pigments dans une espèce qui est déjà vaguement bleue, ou alors carrément rajouter tous les outils moléculaires qui seront nécessaires à une plante pas bleue pour qu'elle le devienne toute seule. Alors c'est précisément ce qu'ont essayé de faire de nombreuses équipes de recherche sur les chrysanthèmes, les roses ou certaines orchidées qui font fureur dans les magasins. Au risque de vous effrayer, là, je ne vous ai pas mis l'image de la voie de biosynthèse, donc la voie qui permet de fabriquer tous ces pigments, parce qu'elle est assez compliquée. Mais il faut voir que ce sont des dizaines d'étapes qui font intervenir des dizaines de protéines qui permettent de fabriquer le pigment. Et le pigment bleu le plus étudié et le plus intéressant pour faire des roses bleues pour l'instant, c'est la delphinidine 3-glucoside. L'enzyme qui permet de fabriquer ce pigment et qui est à la dernière étape de la voie de biosynthèse s'appelle la F3-5H pour flavonoïde 3,5-hydroxylase. Et du coup, ils aimeraient bien être capables d'introduire cette enzyme dans des plantes qui ne sont pas bleues pour fabriquer du pigment bleu. Donc, c'est toute une opération. Hein. Vu la complexité d'obtenir et de maintenir cette couleur bleue, les chercheurs en ce moment sont plutôt verts, puisque le meilleur résultat qu'ils sont parvenus à obtenir pour le moment, c'est une rose vaguement violacée. Donc si vous cherchez des exemples de roses bleues de recherche, et là encore je vous mettrai dans le dossier qui ira avec les notes d'émission des photos de cette fameuse rose bleue qu'ils essayent d'obtenir artificiellement, ce n'est pas du tout bleu, hein, c'est plutôt quelque chose de violet pâle et c'est un peu décevant. Donc c'est pas encore ça, mais je voulais expliquer plus haut, la couleur bleue c'est un peu plus complexe que ça en a l'air, et du coup la présence unique de ce pigment ne suffit pas, il faudrait probablement permettre à ces plantes de pouvoir faire des complexes et associer d'autres pigments. Donc la rose bleue ce n'est pas encore pour tout de suite, et celles que vous voyez dans le commerce sont bien sûr des fausses. Alors, pour voir la vie en bleu, il y a d'autres solutions. Hein. Si vous ne pouvez pas avoir du bleu dans vos pots de fleurs, vous pouvez toujours le mettre sur vos habits ou dans votre vie quotidienne. Je vous l'ai dit plus haut, pour teindre le monde en bleu, il faut des pigments. Et les seuls pigments valables et tenaces pendant très longtemps dans l'histoire étaient de la poudre de minéraux bleus, comme les lapis lazuli, ou alors le vert teinté au cuivre et réduit en poudre. Mais il est également possible d'extraire du bleu à partir de plantes. Originellement, en Europe, c'est le pastel de guêde ou le pastel des teinturiers, qui est une plante qui s'appelle Isatis tinctoria, qui était utilisée pour réaliser le pigment indigo. Et pour le réaliser, il faut broyer les feuilles en une espèce de pâte, ça s'appelle le pastel en langage occitan, puis la laisser fermenter et sécher. Ça fait une espèce de boule comme ça qu'on peut réduire en poudre et qu'on peut utiliser pour teindre de la couleur. Alors c'est assez surprenant puisque la plante à l'origine elle est pas du tout bleue, elle fait des fleurs jaunes. Donc c'est plutôt contre-intuitif de se dire que cette plante peut produire du bleu. Elle a été assez cultivée au Moyen-Âge en Europe et c'est d'ailleurs une plante de la famille du chou qui pousse bien sous nos latitudes. Mais elle est rapidement remplacée avec l'arrivée de l'indigotier. Une plante du coup tropicale de la famille des haricots, les fabacées. Celle-ci s'appelle Indigofera tinctoria et bien qu'arrivant de pays lointains, au XVIIe siècle, elle va devenir la source principale de bleu dans le commerce parce qu'elle est plus concentrée en indigotine, le fameux pigment bleu, qui au passage représente le colorant E132 sur vos étiquettes dans le commerce, si jamais vous l'ignorez. Alors il en existe d'autres hein, qui ne sont pas tout à fait équivalentes à l'indigotier en termes d'utilisation, mais on a la renouée des teinturiers, Persicaria tinctoria. Il y a une autre plante qui s'appelle l'indigo de l'Assam, qui s'appelle Strobilanthes cusia, ou alors le gara, qui est une plante africaine, qui s'appelle Phylenoptera sienessens. Ce sont également des sources d'indigo dans le monde. Voilà. Donc, malgré ces quelques exemples, heureusement, si on n'arrive pas à rendre des plantes qui ne sont pas naturellement bleues, plus bleues, il reste une diversité de choses bleues à regarder dans la nature. On ne trouve pas le bleu que dans les fleurs, on le trouve aussi dans les fruits. Et là, je vous citerai que quelques exemples, mais il y a des exemples assez remarquables de variétés de maïs. Par exemple, le maïs hopi à grains bleus. Donc c'est vraiment un épi de maïs dont les grains sont bleus foncés. Et il est utilisé en Amérique du Sud pour faire des tortillas bleues, du coup. Vous pouvez la regarder sur Internet. On a aussi un fruit surprenant qui est le fruit de l'arbre du voyageur, Ravenala madagascariensis, c'est difficile à dire. L'enveloppe des graines de cet arbre est bleue, vraiment très très flash, et les scientifiques pensent que c'est pour mieux se faire voir des oiseaux et être ainsi mieux dispersé. On peut aussi citer, même si ce n'est pas des plantes, quelques champignons. Il y a des espèces qui sont bleues et assez insolites, comme le Lactaire indigo, Lactarius indigo, ou un champignon qui se nourrit du bois et qu'on appelle Chlorosiboria éruginescence, qui colonise le bois mort, ce qui fait que le bois, à la fin, est veiné d'un bleu incroyable. Il est d'ailleurs utilisé en marqueterie ou pour des œuvres d'artisanat, parce qu'il a des subtils reflets bleus comme ça. Voilà, donc c'est pour les quelques exemples de ce qui existe dans la nature. Et pour répondre à la question de la chatroom de Lutine, E132, c'est pas le colorant des bonbons schtroum, justement. Eh bien, c'est fort probable, puisque c'est un colorant alimentaire qui donne le bleu et qui est comestible, du coup. Alors, je n'ai pas creusé sur les problèmes que ça peut engendrer éventuellement en termes de santé publique, mais effectivement, c'est le colorant bleu alimentaire le plus utilisé. Alors, j'arrive au bout de ce plongeon dans le grand bleu. S'il y a d'autres plantes que vous adorez et qui sont bleues, n'hésitez pas à nous les envoyer. Hein, comme ça, je compléterai l'article qui ira avec, avec cette chronique. Et voilà. Je m'arrête là. Écoute, moi, je découvre avec, avec stupéfaction qu'il y a des travaux pratiques proposés à nos élèves d'identification du colorant du bonbon schtroumpf. Donc, je vais poster ça sur la chatroom, mais visiblement, il y a la possibilité de suivre tout un protocole avec un fichier du compte rendu. Tu peux donner ça à tes élèves. C'est trop bien, ça. Et donc, je vois pas grand-chose, effectivement, sur le problème... problèmes particulièrement de santé associés à E132. Ce qui est plutôt une bonne idée, parce qu'il y en a quand même partout de ce truc-là, non ? Une bonne nouvelle. Et bah, très bien, merci bien. Et vous en voulez encore du bleu ? Il en reste. Moi, je m'amuse beaucoup. Merci. Et donc, on fait la dernière partie de cette émission avec Cléora, qui va nous parler de voir bleu en psychologie. C'est à toi. Oui. Donc moi, côté sciences humaines, quand on me parle de la couleur bleue, rien ne m'est venu en tête. J'ai alors cherché parmi le domaine dont je suis plus à l'aise, la psychologie. Du coup, pour commencer, petite question pour vous faire participer un peu. À quoi vous fait penser la couleur bleue ? À un mot, à un ressenti, peu importe. À quoi ça vous fait penser en premier ? Au calme. Le schtroumpf. Le schtroumpf. Les bites du vervet. t'as un cerveau pas normal aussi, Pierre, c'est pour ça. Non, c'est... La noblesse. Le cul du mandril. Ouais, donc bleu pour océan. Le pavot bleu de l'Himalaya, le myosotis. Ouais. Donc le... Les magnifiques couchers de soleil martiens. Les tortillas. Ah, tu penses que c'est la première chose que quelqu'un non, va passer? Non, je ne pense pas. Non, ouais, le calme. Bleu le calme, calme, c'est bien. Bleu pour océan, bleu pour ciel, voilà. Donc, tout ça, ce sont nos préjugés, ou plus précisément, nos associations personnelles sur la couleur en elle-même. Une association, en psychologie, c'est le fait de lier deux représentations ensemble. C'est quand on dit « Ah oui, ce truc-là, moi, ça me fait penser à quelque chose ». Ce lien est souvent différent en fonction des individus. Selon son histoire personnelle, par exemple, si j'étais attaqué petit par une poule, aujourd'hui, par association, dès que je vois une poule, je perçois une menace, je ressens de l'anxiété. Une association est différente aussi selon des groupes d'individus, selon nos connaissances et notre culture. Si je vous dis 1515, vous me dites ? Une poule. Marignan, voilà, donc là, si vous pensez... 218. Marignan. Voilà, donc ça, c'est déjà une association par la connaissance également. Autre exemple classique qu'on prend en psychologie sociale, si mon héros de film préféré fume et lui donne l'air badass et cool, eh bien, c'est un début d'association entre cigarette et l'effet d'être cool, qui était fortement utilisé par l'industrie du tabac. Mais là, on parle de la couleur bleue, donc. Est-ce que chaque individu a des associations différentes avec cette couleur ? Ou peut-on tirer des associations communes à l'humanité ? Autrement dit, dès qu'on perçoit la couleur bleue, est-ce que ça nous fait tous penser à la même chose ? Pour le tester, on peut le faire de manière très simple. On place des personnes devant un écran affichant une couleur bleue. Et puis, on leur demande ce qu'ils ressentent. Simple, non ? Bon, par contre, pour éviter qu'il y ait des milliers de réponses trop diverses et difficilement comparables entre elles, on va leur donner seulement 3 choix à noter sur une échelle de 1 à 5. La première réponse est le sentiment de contrôle de la situation. La deuxième réponse est le sentiment de stimulation ressentie. C'est la stimulation ressentie, en gros, c'est si la couleur m'excite ou m'endort, ou m'ennuie, quoi. Et la troisième réponse est si j'évalue comme la couleur comme agréable ou désagréable. C'est ce qu'ont fait Walid Bricky et Olivier Hu, en comparant les ressentis de 154 francophones après avoir passé 10 secondes devant un écran de couleur unie. Ont été testées donc les couleurs, la couleur bleue, mais aussi la rouge, vert et un stimulus neutre, pour bien comparer tout ça, qui sera ici un écran blanc. Ce qu'ils tirent dans leurs résultats, c'est que la couleur rouge est jugée bien à part des autres. En face d'un écran rouge, les participants évaluent une stimulation et un sentiment de contrôle, de domination supérieure par rapport aux autres couleurs. Dommage, c'est pas la couleur qui nous intéresse aujourd'hui. Quant au bleu, elle est jugée comme légèrement stimulante, genre on ne s'ennuie pas devant, quoi, et davantage agréable que le rouge ou un écran blanc. Ainsi, de ce qu'on en tire de cette petite étude pour la couleur bleue, c'est qu'elle serait davantage associée à quelque chose d'agréable, au plaisir. C'est déjà un pas. Notre premier pas vers le champ de la psychologie cognitive, étudiant les effets qu'engendrent les couleurs sur notre cognition. Notre cognition, c'est-à-dire notre manière de réfléchir et de percevoir le monde qui nous entoure. Et juste pour l'anecdote, hein, c'était pas gagné pour moi, parce que entre les multiples blogs pseudo-scientifiques de chromatothérapie, de reiki, de luminothérapie, de la pseudo-psychologie des couleurs et même des articles scientifiques qui se basent sur un article rétracté pour des données frauduleuses, j'étais loin d'y arriver. Découvrons alors ensemble ce champ d'étude de la psychologie cognitive sur les couleurs. Elle compare très souvent le bleu avec le rouge, en oubliant d'ailleurs des fois une condition neutre comme un écran blanc. Mais ça, c'est ma petite critique méthodologique. Bref, du coup, je suis un peu obligé de parler aussi du rouge. Cette comparaison bleu versus rouge n'est pas anodine. Certes, sur le spectre de la lumière visible, physiquement, bleu et rouge sont aux extrémités du spectre. Mais en plus, psychologiquement, c'est-à-dire au niveau du ressenti et des représentations, au fur et à mesure de la recherche scientifique sur le sujet, les chercheurs commencent à établir un consensus sur une opposition motivationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les couleurs bleues et rouges engendreraient des motivations opposées. La motivation, en psychologie, c'est en gros cette sorte d'énergie qui nous pousse à agir ou penser d'une certaine manière. Donc, en connaissant cette définition qu'on connaît tous, hein, ça veut dire que la simple perception d'une couleur nous pousserait à penser ou agir de manière différente. On a alors d'un côté la perception de rouge qui est corrélée à ce qu'on appelle une motivation d'évitement. Le rouge est l'évitement. Quand on y pense, hein, ça semble logique. Tout ce qui est alerte, danger et même les panneaux de signalisation, il y a du rouge. Et de l'autre côté, on a la perception du bleu qui est corrélée à une motivation d'approche. C'est-à-dire quelque chose d'accueillant, de calme, justement, que l'on souhaite, quelque chose que l'on souhaite explorer, en fait. L'opposé de l'évitement, quoi. Si ce n'est pas assez clair, avec des mots simples, percevoir du rouge, c'est ressentir de l'anxiété. C'est-à-dire une motivation à vouloir éviter, à faire attention aux choses et à être plus vigilant. Et à l'inverse, percevoir du bleu, c'est ressentir une certaine confiance en soi. C'est-à-dire une motivation à être attiré, à s'approcher, à explorer ou s'aventurer. Pour que ce soit plus concret, je vais vous poser une question. En sachant que percevoir du rouge engendrerait de l'anxiété, donc, et du bleu, de la confiance en soi, quand vous mettez à jouer dans une équipe sportive ou dans un jeu vidéo, par exemple, si vous voulez gagner, vous choisissez l'équipe rouge ou l'équipe bleue? Dans le rouge. Avez... Mais ça, c'est parce que je suis communiste. Non, mais si, rouge, carrément. Rouge, on gagne, quoi. Ah non, moi, je choisis le bleu parce que c'est la meilleure couleur. Ah là là. Rouge, c'est plus battant, c'est plus agressif, on va gagner. Certes, quoi. Mais alors, on n'est pas chauvin, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, on dit rouge, mais du coup, c'est pas l'équipe des Français, quoi, c'est pas les bleus. Ah, du coup, allez, les bleus, ça marche pas trop. Donc, du coup, comme disait Robin, le rouge, il y a une expression, enfin un truc qui fait plus agressif, qui ressent plus d'anxiété, comme on a dit avant. Donc, en compétition, mieux vaut être rouge que bleu. Bah oui, si je suis rouge, mes adversaires verront la couleur anxieuse, en fait. Et moi, je verrai mes adversaires bleus de la couleur qui donne confiance en soi. Par exemple, sur 1347 matchs de FPS compétitifs, donc les FPS sont les jeux de tir à la première personne, sur le millier de matchs, donc, 55% des gagnants étaient l'équipe rouge. Ça veut dire que, dès le début, si vous jouez en tant qu'équipe rouge, vous avez 5% de chance en plus de gagner. Et ce n'est pas qu'un petit effet isolé, hein, c'est très significatif, et on retrouve ces effets dans de nombreux sports compétitifs. Donc, récapitulons. Revenons à la couleur bleue. Ce qu'on sait jusque-là, c'est qu'elle est associée à l'agréable et à une motivation d'approche, qu'on pourrait vulgariser à la confiance en soi. Si on prend ça comme base scientifique acquise, est-ce que du coup on peut aller plus loin? Genre par exemple, améliorer nos performances cognitives ou manipuler la perception des gens sur une pub en changeant simplement la couleur? Eh bien, la réponse est oui. J'ai traversé moult articles peu intéressants à vous raconter pour finalement tomber sur un papier très très court, tout simple, mais ô combien dense et plutôt solide, avec un total de plus de 600 participants, qui est quand même un échantillon pas mal en sciences humaines. Ce papier nord-américain de Mehta et Zhu s'intitule « Bleu ou rouge, exploration de l'effet de la couleur sur les performances cognitives ». Donc eux, sur de plusieurs petites études, après avoir confirmé dans une première étude ce qu'on vient d'évoquer, donc la théorie qu'on vient d'évoquer qui s'installe un peu comme un consensus dans le domaine, que la perception de couleur bleue soit associée au système motivationnel d'approche, les auteurs sont allés ensuite plus loin en proposant aux participants diverses tâches cognitives demandant soit des compétences créatives, soit des compétences plus analytiques, descriptives et détaillées. En tâche analytique, on a par exemple la mémorisation d'une liste de 36 mots. Et parmi les tâches créatives, on a par exemple le petit jeu de trouver un mot qui relie à un ensemble de 3 mots. Donc si vous voulez jouer, un exemple d'item, si je vous dis étagère, lire et fin, quel est le mot qui les relie? Un livre. Yes, voilà. C'est un item, un des plus faciles. Et on peut trouver d'autres mots entre étagère, lire et fin? Non, attends. Non, il n'y a qu'une seule réponse. Encyclopédie. Attends. Et du coup, c'est un livre, c'est un livre. Il n'y a pas beaucoup de fin aussi. Roman. Bon, d'accord, j'ai compris. Donc, toutes ces tâches cognitives, créatives ou analytiques ont été réalisées sur un fond neutre, un fond rouge ou un fond bleu. Et ce que l'article en tire comme conclusion, c'est que la couleur bleue avantage les tâches créatives, en produisant des réponses de meilleure qualité, c'est-à-dire plus diversifiées, tout en faisant moins d'erreurs, par rapport au fond neutre ou au fond rouge. Donc. En revanche, à l'inverse, les performances cognitives sont moins bonnes lors d'une tâche analytique, comparée au fond rouge. Concrètement, qu'est-ce que ce résultat veut dire? Il signifierait que si vous êtes en manque d'imagination, ou que vous devez être le plus créatif en jouant au petit bac, par exemple, pour trouver les mots les plus originaux, eh ben, il vaut mieux que votre feuille ou l'ambiance de la pièce soit plutôt bleue que rouge. Le bleu favorise les associations d'idées plus complexes. Le bleu favorise la créativité. On retrouve la même chose sur les messages persuasifs des publicités. Plus la publicité est créative ou artistique, plus elle est évaluée comme meilleure ou pertinente sur un fond bleu, par rapport à un fond rouge ou un autre fond neutre. Mais du coup, comment ça se fait? Pourquoi le bleu favoriserait des tâches cognitives liées à la créativité? C'est de la magie? Est-ce que c'est un fait? C'est naturel? On est né comme ça? Alors, d'abord, c'est pas parce que je perçois de la couleur bleue que ça y est, je deviens subitement créatif en mode Superman. Ce n'est pas une conséquence directe, ce n'est pas une causalité directe. Il y a tout un tas de petits processus cognitifs qui entrent en jeu entre les deux. Et tous ces processus cognitifs sont inconscients. Ça a été rapidement testé sur une 60aine de personnes, par Mehta et Zhu, justement, l'article que je vous ai cité plus juste avant. Donc cette fois-ci, on leur demande, au lieu d'avoir le fond coloré à chaque condition, cette fois-ci, on leur demande de choisir eux-mêmes quelle couleur de fond d'écran améliorerait leur performance durant une tâche créative ou une tâche descriptive et analytique. Alors qu'on s'attendait à ce que ce soit un fond bleu pour la tâche créative et un fond rouge pour la tâche descriptive, bien plus de la moitié des participants choisissent à chaque fois, quel que soit le type de tâche, le fond bleu. Ça veut dire que malgré des observations réelles de performance différentes en fonction du fond coloré, les participants, eux, durant la tâche, ne ressentent pas spécialement de différence. C'est la définition même d'un processus inconscient. Les différences de performance sont bien mesurées à la fin, mais ce n'est pas conscient pour l'individu sur le moment. Le but de la psychologie cognitive est justement de déceler tous ces processus cognitifs inconscients pour grossièrement recréer le circuit que fait l'information entre la perception et l'action. Ici, si on essayait globalement de prédire le chemin que fait l'information, d'abord on perçoit la couleur bleue avec nos yeux. Donc ça, du coup, ça fait une boucle avec les yeux bleus de la première chronique d'Alexa. Cette information est traitée ensuite à l'arrière de notre cerveau parmi le cortex visuel. Viennent ensuite les associations d'idées. Vous savez ce dont on a parlé en tout début de cette petite chronique. Les associations de la couleur bleue sont par exemple l'océan, le ciel, le calme, la paix, la tranquillité, l'ouverture, etc. Toutes ces associations déclencherait un système motivationnel d'approche, c'est-à-dire un sentiment d'apaisement et de confiance en soi qui permet d'engendrer des comportements d'exploration ou d'aventure, par exemple. Et c'est cet état, cette motivation d'approche, qui causerait de meilleures performances cognitives lors de tâches créatives. Bon, après tout ça, hein, je vous le dis, tout ça reste spéculatif et extrapolé, hein, restons conditionnels, car à ma connaissance, pas de chemin causal a été démontré et seulement des corrélations. Mais c'est pour vous partager comment moi j'ai compris un peu les choses à travers cette petite exploration de ce champ d'études autour de la couleur bleue. Pour terminer, si on devait retenir qu'une seule chose de cette petite chronique, c'est que ce n'est pas la couleur en elle-même qui influence nos performances cognitives. Ce sont, selon cette théorie explicative, les associations qu'on a en tête avec cette couleur. Et donc, comme disait avant, durant la chronique de Johan, il y a un peu de linguistique là-dedans, parce que c'est en fonction de quel mot on va associer au bleu. Des associations qui ne sont pas innées, mais bien sûr apprises avec le temps et ancrées en mémoire dans notre petit cerveau. Des associations et représentations qui, d'ailleurs, en ce qui concerne la couleur bleue, et seulement la couleur bleue, semblent être assez communes à de nombreux individus et à de nombreuses cultures. En résumé, au niveau psychologique, percevoir du bleu serait associé à la sérénité. L'étendue du ciel bleu et des océans devrait aider à cette association d'idées, en gros. Une sérénité, donc, qui nous met à l'aise, au point de tester des trucs et de se sentir capable de partir à l'aventure et d'explorer. Ce qu'on appelle donc la motivation d'approche. Et cet état d'esprit avantage de meilleures performances cognitives durant des activités créatives. Ainsi, durant un brainstorming ou à quelque chose à la recherche de nouvelles idées, habillez-vous tous en bleu pour schtroumpfer sur la vague de la créativité. Mais alors du coup, les Russes, ça se trouve, eux, ça marcherait pas du tout, parce que vu qu'ils ont deux mots pour le bleu, ça se trouve, ils seraient super excités pour l'un et super chill pour l'autre. Ouais. Ce serait intéressant de voir justement s'il y a des... Parce que là, j'imagine que l'essentiel de des études que tu as citées, c'était des études nord-américaines. Ouais, nord-américaines et européennes, ouais. Principalement, ouais. Alors du coup, ouais, pour le truc des Russes, là, je ne sais plus qui est dans le chatroom qui a dit, qui a précisé en fait le truc, c'est plus généralement l'hypothèse linguistique, c'est l'hypothèse de Sapir et Whorf, qui s'appelle apparemment, qui est un livre des années 60, je crois, avec des linguistes qui disent que oui, effectivement, le langage a une influence sur le monde et qui apparemment, enfin, la page Wikipédia, c'est une grosse engueulade de linguistes depuis 40 ans, avec certaines preuves expérimentales, comme celle des Russes, mais avec aussi beaucoup de choses qui sont difficiles ou pas prouvables expérimentalement. Voilà. On a une petite question pour toi, sinon, Cléora. Est-ce que c'est aussi ça qui conditionne la couleur des médicaments, genre bleu pour les calmants et rouge pour les excitants? C'est Niv qui pose cette question. Oh, ça, je pense pas. Je pense que c'est juste... pris comme ça, ils ont pas recherché des trucs scientifiques derrière. Je pense que c'est juste un choix comme ça. Ah ouais. Ah bah moi, je sais pas. Il y a d'autres médicaments bleus qui excitent, j'imagine, et puis d'autres. Bah il y a le Viagra, ça c'est sûr. Ouais, bah voilà. Mais tu penses qu'ils auraient pas fait ce genre de. Je peux chercher. Après, j'en sais rien. Et bah donc nous allons conclure cette très longue émission par très rapidement on peut faire la citation. La citation, oui, la citation avant le quiz du bois. Du coup, faisons la citation. Léa, je te laisse faire la citation. C'est toi, oui. Oui, alors j'ai choisi la seule citation que je connaissais de tête de l'école où il y avait le mot bleu dedans, et c'est la citation de Paul Éluard qui dit que la terre est bleue comme une orange. Voilà. C'est beau, hein, c'est poétique. Et alors, je me suis quand même posé la question d'où venait ce concept d'orange bleu. Est-ce que c'est juste une figure poétique ou quoi? Est-ce que ça a été repris dans la littérature ou quoi? Alors, j'ai cru comprendre que Tintin et les oranges bleues, c'était une référence à cette phrase. Et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez du pitch de Tintin et les oranges bleues, mais c'est le professeur Tournesol qui vient de publier un livre sur la faim dans le monde et qui lance un appel à tous les scientifiques pour l'aider à combattre la faim dans le monde. Mais du coup, un de ses confrères espagnols lui envoie un paquet avec une orange bleue. L'orange bleue est volée alors qu'elle pourrait potentiellement... grandir sur un sol désertique et c'est le drame, Tintin mène l'enquête. Voilà. Et apparemment, enfin de l'article Wikipédia, ils disent que ça fait référence à la citation « La Terre est bleue comme une orange ». Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et je me suis aussi demandé si les chaînes de trucs de sport, là, vous connaissez l'Orange Bleu, vous avez ça chez vous ? C'est une chaîne de tu m'as perdu où à tu sport, peux faire en fait. Du sport, là, de celles de sport. Bah du coup nous on a plein de salles de sport qui s'appellent l'Orange Bleu, voilà. Alors je me suis dit waouh, ils ont fait un super une super référence à Paul Éluard, c'est la poésie tout ça. En fait pas du tout, ça vient de leur premier logo qui apparemment était orange et bleu et du coup ils se sont dit on va s'appeler l'Orange Bleu, voilà. J'étais un peu déçu. Ah, c'est de la poésie, c'est de la poésie, voilà, il faut pas chercher. C'est une licence poétique. Et du coup, on passe maintenant au quiz du mois. Je sais pas qui veut le lire. Cléora. Ouais. Donc, le petit quiz qu'on va répondre à la prochaine roue libre, donc, qui serait le 7 avril, il me semble. Boire son urine est bonne pour la santé. Info ou intox ? On n'a eu aucune vidéo, aucune documentation de personnes qui ont testé. Vraiment, on est assez déçus. Aucun test de personne en train de boire son urine. Envoyé à podcastscience@gmail.com. Ouais, c'est un peu dommage. Quand même. On ne sait pas que nos auditeurs étaient aussi trouillards. Je vous rappelle qu'on sert de la science et c'est notre joie, quoi. Merde, hein ? Bon. Est-ce qu'on peut faire pipi bleu ? Et ça nous fait une super transition avec la conclusion. On espère que ça vous a plu. On s'est beaucoup amusé. On s'est aperçu qu'on aimait beaucoup faire des émissions comme ça avec des thèmes communs. On pouvait tous parler de toutes plein de choses. Et donc, si ça vous plaît, dites-le nous. Partagez sur les réseaux sociaux et on vous en fera d'autres. Il reste plein de couleurs. Rouge, orange, vert, magenta, indigo. Indigo, on en a déjà un peu parlé aujourd'hui quand même. Mais donc voilà, il en reste plein. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.